Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. 10e et dernier épisode. Face aux soupçons de nos enquêteurs amateurs, Juliette n'a pas d'autre choix que d'avouer. Oui, son frère Georges était la proie d'une passion maladive et dévorante pour Sophia. Et c'est bien lui qui a trouvé cette maison à acheter juste à côté de chez son idole. Mais lorsque les hommes de l'inspecteur Le Guenec viennent l'arrêter, Georges s'est déjà envolé. La police se lance à sa poursuite quand un mystérieux témoin se présente au commissariat. Le lendemain du meurtre de Don Pierre, il avait quitté le parking de l'hôtel à l'aube sans voir le corps ni l'inscription tracée sur la carrosserie de sa voiture qui désigne le meurtrier. Et alors, quel nom il a écrit ? Accrochez-vous bien, je vous préviens, ça va vous secouer. Le nom de l'assassin de Don Pierre, dans la poussière, qui s'est promené dans tout Paris pendant 3 jours. Vous imaginez, si l'orage avait éclaté seulement quelques heures plus tôt ? Mais arrête, dis-nous, qu'est-ce qui est écrit ? Regardez vous-même. Voilà les photos du mail de la scientifique. Si... Non mais c'est quoi ce délire ? Quoi ? Quoi ? C'est écrit Sophia Simeonidis. Hein ? Comment ça c'est écrit Sophia Simeonidis ? Fais voir. Mais c'est pas possible. C'est quoi encore cette histoire ? En plus, il y a une faute. C'est écrit Sophia avec un F alors que c'est PH. Oui, si tu étais en train de mourir, tu ne ferais pas dans le détail non plus, ça marque. Avec ou sans faute, c'est bien Sophia Simeonidis qui est écrit. Je l'ai vu de mes yeux, bien net, dans la poussière. J'étais avec Le Guenec. Je peux vous dire qu'il était bien remué aussi. Mais comment elle pourrait avoir tué Don Pierre ? Elle est morte. Oui, ça n'a aucun sens. Quelqu'un a écrit ça après, pour la faire accuser. C'est complètement stupide d'accuser quelqu'un qui est mort. Non. C'est bien l'écriture de Don Pierre, ils ont vérifié. C'est elle, depuis le début. Sophia Simeonidis. Sophia Simeonidis. La morte vivante. Debout les morts. Venez donc buter les vivants. Mais alors si ce n'est pas elle ? Le cadavre de Maison Alfort, c'est qui ? Bon, monsieur Reliveau, je vais vous faire un petit topo de la situation. Plusieurs SDF ont déclaré qu'une certaine Louise, une habituée du pont d'Austerlitz, a disparu il y a un mois. Ils affirment qu'une belle femme est venue la voir, bien habillée, qui posait la main sur sa gorge quand elle parlait. Elle lui aurait proposé une affaire. Ils n'en savent pas plus. Mais ils ont dit que Louise était drôlement jouasse. Et qu'elle était montée dans la voiture. C'est pas possible. Le légiste a confirmé qu'une femme avec une mauvaise hygiène dentaire correspondait bien plus au cadavre retrouvé dans la voiture carbonisée. C'est pour ça qu'il n'y avait plus que des éclats dedans. Mais la pierre, je l'ai reconnue. Sophia savait que vous l'identifieriez grâce à cette pierre. Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi faire une chose pareille ? Je comprends pas. Je comprends pas. J'avais raison depuis le début. Sophia voulait se barrer avec son Stelios. Elle a monté tout ça pour pouvoir disparaître tranquille. Et elle a aussi buté les 2 critiques en 99 parce qu'ils avaient été odieux avec elle. Alexandra ne va jamais s'en remettre. Notre délicate voisine avec cette voix immense, j'arrive pas à le croire. En même temps, qui mieux qu'une comédienne pour se jouer de tout son monde ? Depuis le début, je savais bien qu'il y avait un truc qui m'échappait. Je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus, mais je l'avais senti. Mais oui, tu parles. Mais si, je savais que ce n'était pas Georges. C'est pour ça que j'ai un peu traîné à appeler Le Guenec. Alors pourquoi il s'est enfui ? Bah oui, si c'était pas lui. Il a quand même bien fait semblant. Je ne sais pas encore. Mais hier déjà, j'étais certain que ce n'était pas lui. Je pouvais bien lui faire gagner un peu de temps. Et tu as quand même torturé Juliette. Je devais vérifier quelque chose. Évidemment. Chut ! Il y a Reliveau qui rentre chez lui. Il revient sûrement du commissariat. Le Guenec voulait absolument lui dire en personne pour Sophia avant que ça ne sorte dans les journaux. Tu m'étonnes. Sa femme rôdant la nuit en train d'assassiner Don Pierre et faisant brûler une autre femme à sa place, ça fait froid dans le dos. Il va se régaler, lui qui aime lire la presse. Le pauvre. Oui, je n'ai jamais beaucoup aimé, mais là, quand même, faut avouer qu'il me fait de la peine. On devrait peut-être l'inviter à boire un coup, non ? Pour une fois, Saint-Luc a raison. Mais comment tu as compris pour Georges ? Comme pour Alexandra. Je savais depuis longtemps qu'elle n'y était pour rien, elle non plus. Mais comment ? Vous vous souvenez des deux cheveux de Sofia que le Ganek a retrouvés dans le coffre de sa voiture ? Oui, le lendemain de la nuit où Alexandra a pris la voiture et où il y a eu l'incendie à Maison Alfort. Eh bien, les deux cheveux n'étaient pas dans le coffre cette nuit-là. Après qu'Alexandra est rentrée, j'ai aspiré la voiture de fond en comble avec un kit stérile et je peux vous certifier qu'il n'y avait pas un bout d'ongle, pas un cheveu, rien. C'est ça que t'es allé faire avec ton sac plastique ? J'ai cru que t'étais parti pisser, moi. Ah oui, mais j'ai pissé aussi. En tout cas, la voiture de Sofia n'a jamais servi à transporter de corps. On a rajouté les cheveux après, dans la nuit, pour faire accuser la petite. Et ça ne pouvait pas être Georges, puisque Juliette a affirmé qu'il était à Caen cette nuit-là. Ce qui était vrai, j'ai vérifié. Alors pourquoi tu n'as rien dit quand ils ont accusé Alexandra ? Attends, c'est une blague ? Ton oncle savait pour les cheveux et il m'a laissé me faire accuser ? Mais il fallait qu'il garde la confiance de Le Guenec. Ses analyses étaient illégales, il devait attendre d'être complètement sûr. Tu sais, mon oncle a toujours eu des techniques très personnelles. Bon, évidemment, personne n'avait vu venir qu'il n'y avait pas de coupable et que Sofia avait tout mis en scène. J'arrive pas à y croire. Je suis vraiment désolé, Alexandra. Si je peux t'aider pour quoi que ce soit... Je crois que je vais aller loger chez Pierre. Ah bon ? T'es sûre ? Ouais, je crois que c'est ce dont j'ai envie. Merci de m'avoir aidé à transporter tout mon barda sans marque. C'est rien. C'est normal. Ça me rappelle le jour où on s'est rencontrés sur le petit muret. Quand je pense que quand je suis arrivée, je savais pas combien de temps j'allais rester. Ce jour-là, je pensais que j'allais démarrer une nouvelle vie. Et maintenant... On dirait qu'il y a personne. Ah, mais je crois que les garçons ont invité Pierre à boire un verre chez nous. Si tu veux, on pose tout derrière et on les rejoint. Oh ouais, t'as raison. On a qu'à planquer mes affaires près de l'arbre. J'avais presque oublié cette histoire d'arbre. C'est dingue quand même. Quoi ? Sofia aurait juste pu partir. L'arbre, la carte, tout ça. Pourquoi cette mise en scène, à ton avis ? C'est bizarre. Peut-être pour détourner les soupçons. Et quand les gens se sentent acculés, ils font plus vite. Ils ne montent pas des plans aussi soignés. Bah, et donc Pierre ? Qui meurt et qui prend le temps d'écrire Sofia Simeonidis, comme si Sofia seule n'aurait pas suffi. Tu sais, parfois c'est difficile. Mais t'as raison. Quoi ? T'as complètement raison. Si Dom Pierre a pris la peine de laisser un message aussi précis, c'est parce que ça signifie quelque chose de précis. Bah oui, c'est... Un type aussi prudent ne serait jamais descendu dans le parking avec sa sacoche. Mais il ne l'aurait pas non plus laissé dans sa chambre. Quelle sacoche ? Ou alors, il l'aurait vidé avant et aurait planqué les documents dans un endroit de confiance. C'est pour ça que les flics l'ont retrouvé vide dans sa chambre. Parce qu'il avait pris ses précautions. Viens avec moi. Mais... Viens, c'est dit, tout de suite. Laisse tout, on s'en fout. Bah... Là, attends-moi. Mais oui, sans doute, oui. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, personne ne connaît l'histoire de la Première Guerre mondiale. Personne. C'est parce qu'on a pas... Parce que c'est... Bonjour, Pierre. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y prend ? Bonjour Pierre. Bonjour Alexandra. J'ai laissé mes affaires dans ton allée. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Je sais pas, je comprends pas. J'en étais sûr, putain ! Une pochette plastique dans la chasse d'eau ? Je savais bien que c'était pas possible que les chiottes se remettent à déconner. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait là ? Toutes les notes de Dom Pierre. Il les a planquées juste avant de partir de chez nous, rappelle-toi Lucien. Il n'y a qu'à nous qu'il pensait pouvoir faire confiance. Alors là, c'est du délire, j'en reviens pas. Quand je pense qu'on avait tout à portée de main... Montre-moi. Mais c'est la lettre qui lui a été laissée à l'hôtel. Info importante, rendez-vous au parking, 23h. Juste après la fermeture. Très malin. C'est bizarre, j'ai l'impression de la connaître, cette écriture, là. Ah bon ? Faites voir. Bah, évidemment, c'est celle de Juliette. C'est pas possible. Mais il a raison. Vous êtes sûr ? Mais oui, regarde bien. On croirait lire le menu du jour du tonneau. Alors là, c'est carrément un délire qui chasse l'autre. Non mais attendez, je comprends plus rien là. Mais où est Mathias ? Je sais pas. Mathias ? Il était dans sa chambre tout à l'heure. Mathias ! Non mais qu'est-ce qui se passe ? Mathias ? Il est pas là. Non, il est où ? Il a laissé un mot sur son bureau. Et alors, il a écrit quoi ? Alors, Juliette a trouvé Sofia, elle se planque à Dourdange la campagne. Qu'est-ce que vous dites ? Nom de Dieu. Ce comte chasseur-cueilleur ne réalise pas le danger. Marc, de quoi tu parles? Tu me fais peur. Pierre, c'est quoi l'adresse de la maison de Sophia à Dourdan? 12 allées des Grands Ifs à côté de chez son père, mais dites-moi ce qui se passe. Ton oncle, trouve le Guenec et ramène-le aux 12 allées des Grands Ifs avec ses hommes. Il n'y a pas une minute à perdre, elle va filer. Juliette. Pierre, on prend votre voiture avec le sien. D'accord, oui. On part devant, on se retrouve tous là-bas, je vous expliquerai en chemin. Je viens avec vous. Certainement pas, tu restes avec Cyril et tu montes la garde au cas où elle revienne. Si c'est le cas, tu te planques et tu ne fais rien, d'accord? Elle est dangereuse. D'accord. En route. Mais qu'est-ce qui se passe? Mathias se croit de taille à lutter, mais cette folle a déjà détruit plein de gens. Doucement, vous auriez pu me laisser conduire ma voiture. Oui, oui, calme-toi, Saint-Martin, c'est une route des campagnes, pas une voie rapide. Depuis le début, je savais que la clé était là, dans l'écriture. Les lettres anonymes, les critiques assassines, jusqu'au message posthume de Don Pierre. Il ne s'est pas trompé en écrivant le nom de son assassin. Il a précisé ce qui, seul, n'aurait pas suffi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il n'a pas écrit Sophia Simeonidis. Mais Sosie Simeonidis. Sosie Simeonidis? Sa doublure? Mon Dieu, mais alors, depuis le début, c'était elle? Juliette? Juliette était la doublure de Sophia. Nathalie Domesco, c'était son nom de scène. Je pensais que vous le saviez. Elle a été virée par le directeur de la troupe après les critiques assassines. Sophia n'avait rien pu faire. Quand on a découvert que c'était elle qui avait ouvert le tonneau, on a été enchanté de cette coïncidence. Sophia était ravie de la retrouver. Mais ce n'était pas une coïncidence. Juliette n'en pouvait plus d'être seulement la doublure. Elle attendait son heure pour sortir de l'ombre. Elle nous a baladés depuis le début. Elle s'est servie de la Normandie comme d'une base arrière. Le week-end où on était dans sa ferme, elle a repris sa voiture et elle a fait l'aller-retour dans la nuit pour se débarrasser du corps de Sophia. Je savais bien que j'avais entendu une voiture. Mais oui! C'est Juliette qui a déposé les cheveux dans le coffre de la voiture de Sophia pour faire accuser Alexandra. Elle a fait mine de la protéger. Mais elle t'avait entendu gueuler à 2h du mat, Lucien. Elle revenait juste de l'hôtel Danube où elle venait de buter Don Pierre. Elle pouvait donc balancer qu'Alexandra était sortie tout en ayant l'air de vouloir la protéger. Ah, on arrive. Prochaine à droite. Y'a rien du tout. Aucune lumière. Y'a personne. Faites pas de bruit. Chut. Écoutez. On dirait que ça vient du puits là-bas, derrière la maison. On voit que dalle là-dedans. C'est profond. Une bonne dizaine de mètres. C'est Mathias, au fond du puits. Chut. Sois discret, merde. 4, 5, 6 cadavres, ça compte plus pour Juliette maintenant. Je préfère éviter d'être le prochain. Mathias, ça va? T'es blessé? Il est en hypothermie, il risque de perdre conscience, il faut le remonter tout de suite. Mais comment vous voulez qu'on le remonte? Il réagit même pas. Il faut aller le chercher. Mais tu rigoles, comment tu veux qu'on descende? Bon, il fonctionne le mécanisme pour descendre le seau? Oui, ça fonctionne. Bon, on va descendre le seau, je vais me glisser le long de la chaîne. Je sais pas si ça pourra supporter le poids d'un homme. On n'a pas le choix. Vérifiez que la chaîne soit bien bloquée, surtout. C'est bon, Mathias. On est là. On va te remonter. Juliette. Mets ton pied dans le seau et accroche-toi très fort à la chaîne, d'accord? Juliette. Mathias, tu m'entends? Mathias! Il a perdu connaissance! C'est pas bon ça, c'est pas bon putain! Marc, écoutez-moi, vous allez passer la chaîne autour de lui. Mais comment ça autour de lui? Oui, vous lui passez la chaîne sous ses bras, il faut éviter au maximum de lui comprimer le thorax. Mais on va lui déchiqueter la peau! Donnez-moi votre veste. Marc, on vous envoie des vêtements. Vous le protégez avec un maximum d'épaisseur. C'est bon! Allez, on y va. 1, 2. Il pèse une tonne. Comment Juliette a fait pour le traîner jusqu'ici? C'est pas possible, elle... Oh non, elle était pas toute seule. Comment ça? Juliette a un complice. Marc, Marc, il y a quelqu'un d'autre. Georges? C'est Georges, Marc. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe putain? Enjambe la Margelle. Mais Georges, vous êtes devenu fou. Roliveau, je te dis d'enjamber la margelle. Leffler, reculez immédiatement. Je ne peux pas. Je ne peux plus reculer. Éloignez-vous de ce puits, je ne le répéterai pas. Si vous faites un geste, je tire. Lâchez-moi ! Je vous dis que je l'ai vue ! Sophia, elle essayait de fuir ! Juliette ? On l'a chopée alors qu'elle fuyait dans les bois. Tu allais m'abandonner là, après tout ce que j'ai fait pour toi ? Il ment ! Elle est avec lui ! Sophia et Georges sont de mèche depuis le début, je peux tout vous expliquer ! Comment tu peux me faire ça ? C'est toi qui m'as obligée ! Ta gueule ! Obligée à quoi, Georges ? Pour l'agression dans la loge ! Je te préviens, si tu dis un mot de plus, tu le regretteras ! Et les deux critiques ? Minable ! Mais t'as toujours été incapable ! Mais chopez-la ! Mais chopez-la ! Je la tiens ! Georges, c'est fini. Jetez votre arme. Hey, tu vas te calmer, oui ? Mais passez-lui les melottes ! Roliveau, descendez de là, nom de Dieu ! Mais Marc et Mathias, ils sont là-dedans. Marc ! Faites-nous sortir de là ! Mathias est au plus mal ! On se magne, les mecs ! Vite, vite, vite, vite ! Elle ne lâchera rien, hein ? Attends encore 2 heures, tu verras. Oui ? Ah, Marc, entre. Comment ils vont ? Saint-Luc a pris un bon coup sur la tête, mais il s'en remettra. Mathias se réchauffe doucement, il va s'en sortir. Et Juliette ? Regarde par toi-même, c'est une vitre sans teint, elle ne te voit pas. Elle n'a pas dit un mot depuis qu'on l'a ramenée. C'est sous l'arbre qu'il faut creuser. Sous l'arbre ? Mais on a déjà creusé sous l'arbre. Justement. Est-ce que je peux aller lui parler, seul ? Ok. On reste là. Je ne manquerai le spectacle pour rien au monde. C'est toi qui as planté le hêtre, Juliette. Tu savais que ça inquiéterait Sophia. Marc, je n'ai rien fait. Comment il faut que je le dise ? Ensuite, tu as envoyé la fausse carte de Stelios et Sophia a marché à fond dans ton histoire. Tu l'as interceptée sur le chemin de la gare, tu l'as ramenée au tonneau et tu l'as tuée. Et puis tu l'as laissée au frais dans ta cave. Tu délires. Mon petit évangéliste, j'y suis pour rien, je te jure, il faut me croire. Ensuite, tout le monde a commencé à s'affoler. Toi la première, comme une véritable amie. Tu as tout fait pour qu'on fouille sous l'arbre. Et une fois que personne n'avait rien trouvé, tu es revenu enterrer Sophia, là où personne ne retournerait la chercher, puisque c'était déjà fait. Mais il fallait que tu puisses l'enterrer discrètement, sans voisin. Alors tu nous as tous invités en week-end chez toi, en Normandie. Dans la nuit, tu as pris ta voiture, et tu es allé au tonneau récupérer le corps de Sophia congelé pour le planquer à l'endroit qu'on avait tous déjà fouillé. C'est ta voiture que Lucien a entendue cette nuit-là. Il était complètement bourré. Ferme-la ! Tu étais debout à 4 heures du matin, Mathias t'a vu. Tu as fait ton boulot dégueulasse et tu es revenu comme une fleur pour nous préparer le petit déjeuner. Mais Alexandra a débarqué avec son gamin. Elle a fait rouvrir l'enquête. Il a fallu produire un corps vite fait. Alors tu es allé chercher cette pauvre Louise à Austerlitz et tu l'as traînée à Maison Alfort et tu lui as foutu le feu. Quand on a retrouvé le message de Dompierre sur la voiture, t'as dû jubiler. Tu t'es dit que t'étais sauvé, pas vrai ? Mais c'était sans compter le petit médiéviste passionné par les écritures. Pourquoi tout ça, Juliette ? La petite doublure ne supportait plus d'être dans l'ombre de la grande Simeonidis. Tu as demandé à ton frère de la violer ? Ou de la tuer, peut-être, hein ? Tu voulais qu'il la tue, celle qui te volait tout ? Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'aurais tout fait pour Sophia. Tout. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais la remplacer seulement pour quelques dates, pour lui montrer que j'étais à la hauteur de son talent. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Mais tu t'es fait assassiner par la critique. Pour Nathalie Domesco, alias Juliette Gosselin, c'était terminé. J'étais sous le choc. Ma meilleure amie... Ma sœur, Sophia, venait d'être agressée. Et personne n'en a tenu compte. Ils se sont tous comportés comme des chiens. Et quand je me suis fait virer par le directeur de la troupe, cette salope n'a rien fait pour me défendre, alors que je lui avais tout donné. Et tu as décidé de la faire payer. Tu as été très patiente. Tu as attendu un an et tu as envoyé Georges se débarrasser des deux critiques. Il était coincé. S'il avait refusé, tu l'aurais balancé pour l'agression. C'est faux! Arrête ton numéro, tu n'as pas une once de loyauté. Quand l'enquête a commencé à se resserrer, tu n'as pas hésité à le balancer. Le pauvre Georges, le seul qui t'ait sans doute jamais aimé. Tu n'as pas hésité à le sacrifier pour satisfaire ton égo de pauvre folle. Je parie qu'il t'a cru quand tu lui as dit que ce serait bien de s'installer ici, tout près de Sophia. Comme nous, quand tu nous as raconté qu'il était fou amoureux d'elle. Mais Georges n'a jamais été obsédé par elle. C'était toi, Juliette. Toi. Allez les gars, c'est bon. On emmène le corps. T'avais raison, Marc. Pauvre Roliveau, il tient à peine sur ses jambes. Et dire que pendant tout ce temps, Sophia était là, tout près, alors que celle qui l'avait tuée se pavanait sous notre nez. Quel cauchemar, je comprends pas. Sophia et Juliette avaient l'air si proches, pourquoi, après tant d'années? Mais l'anniversaire. Juliette voulait remplacer Sophia pour son ultime concert. C'était sa dernière chance de se rattraper. Cette fois devait être la bonne, coûte que coûte. Et c'est pour ça qu'elle m'a repoussé ce soir-là après la fermeture. Comment est-ce que j'ai pu croire à toutes ces simagrées? Elle avait simplement peur que je tombe sur Sophia congelée dans la cave. Quel con, c'est pathétique. Mais t'es pas con, ça, Mathieu. T'es préhistorien. Les écritures, ça te dépasse, voilà tout. Ah, ça y est, tu te mets au sein, maintenant. Ou ça n'a rien à voir. Mon oncle fait ça juste pour nous emmerder. Alors que moi, je trouve que ça nous va bien. Salut, les garçons. Salut. Salut. Ça va? Tu tiens le coup? On fait aller. Tu as tes bagages? Tu t'en vas? Mais tu peux pas t'en aller. Pierre va maintenir le concert. Ce sera une grande cérémonie. Un hommage. Je sais. Il m'a dit que vous alliez l'aider à préparer tout ça. Oh oui, nous on accepte tous les menus travaux, mais uniquement dans un rayon d'un kilomètre, vu qu'on n'a pas le téléphone. Je dois trouver un endroit bien pour Cyril et moi. Et tu n'as qu'à t'installer ici. On a quasiment fini de retaper la maison. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pas vrai, Mathias? Mais dis-lui. Bah oui, bien sûr. Tu sais ce qui était écrit sur le temple de Delphes? Non. Une phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Vous allez me manquer. Mais Marc, dis quelque chose. Bah oui, dis quelque chose. Ben quoi? Mais bouge-toi là, laisse pas partir comme ça. Alexandra, attends. Oui? Je crois que je connais la fin de la chanson. La chanson? Bout de ficelle là, tu sais. Oh, c'est vrai? Génial. Tu pourras peut-être m'envoyer les paroles alors. D'accord. Alors, je te donne mon adresse. Enfin, dès que j'en ai une. Oui, dès que t'en as une. C'était Debout les morts, de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 10e et dernier épisode, avec Manuel Valade, Marc. Duncan Evenou, Mathias. Emmanuel Suarez, Lucien. Patrick Zimmermann, Van Dossler. François Loriquet, Pierre. Edith Baldi, Juliette. Serge Tranvoise, Georges. Élodie Hubert, Alexandra. Olivier Clavry, Le Guénec. Et les voix de Justin Blancard et Yoli Fuller. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre-Henri. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.